Louis Carrouger de Carmontel est un peintre, dessinateur, graveur, auteur dramatique et architecte paysagiste français du XVIIIe siècle. Grand ordonnateur des fêtes du duc d'Orléans, célèbre pour ses portraits de profil comme pour ses petites comédies improvisées appelées proverbes, il est connu également pour avoir peint des transparents, inspiré de la lanterne magique et pour avoir agencé le parc Monceau de Paris. Très polyvalent, il a également été ingénieur topographe pour l'armée. Il dessine alors les plans des champs de bataille. Il se révèle avant tout dans les salons à la fin du XVIIe siècle, où il divertit la haute société avec des mises en scène lui permettant de combiner ses divers talents issus du dessin, du paysage et du théâtre. À partir de 1780, Carmontel connaît un véritable succès. Il nomme transparent les peintures à la gouache qu'il présente à la haute société. Il imagine un dispositif pour faire dérouler devant les yeux du public des bandes de velin peintes de plus d'une vingtaine de mètres. Le dispositif est installé devant une source de lumière naturelle, comme une fenêtre ou parfois devant les bougies. Et la peinture sur le velin translucide est alors rétroéclairée. Cette création est alors avant tout un objet ludique et de divertissement. Il fait écho au procédé des lanternes magiques ou encore des dioramas. Artiste de second plan de son vivant, l'œuvre de Carmontel bénéficie aujourd'hui d'une relecture à la lueur de la pratique contemporaine. Ses transparents peuvent apparaître à la fois précurseurs des installations mais également des performances artistiques. En effet, dans ses performances, Carmontel actionne lui-même les manivelles qui permettent de dérouler et faire défiler les bandes de dessin qui représentent différentes scènes. Carmontel plonge les spectateurs dans une expérience visuelle et auditive par l'intermédiaire d'un récit qu'il compte lui-même à travers différents tons et différents timbres de voix. Ses dessins et ses histoires se déroulent souvent dans une nature idéalisée, rythmée par l'intégration de ruines antiques aussi symptomatiques du goût néoclassique alors en vogue. Ses dessins représentent souvent l'insouciance de la noblesse sous l'Ancien Régime. Carmontel réunit ainsi théâtre, musique et images animées dans une composition éphémère, nouvelle sorte de spectacle adaptable à des publics différents, transportable et maniable par une seule personne dans la démarche de faire évoluer ses paysages et ses personnages en temps réel dans un décor changeant au fil des situations. Son expérience peut être associée à la recherche d'une œuvre d'art totale. L'une des œuvres les plus célèbres de Carmontel est Les Quatre Saisons, transparent, constitué de 119 feuilles de papier vergé ou vélin, raccordées verticalement de façon à former un rouleau de 42 mètres d'un format d'environ 44 à 51 cm de hauteur et de 32 à 39 cm de largeur. Ce transparent présente également la particularité d'être aussi le plus représentatif et le plus varié parmi les thèmes et les motifs peints. Comme au théâtre, genre qu'il pratique par ailleurs, Carmontel met en scène un monde d'illusions dont l'objectif est d'émouvoir, d'intéresser et d'amuser les spectateurs. Le transparent Les Quatre Saisons constitue donc la réalisation la plus aboutie de son art. Il y reproduit sur une longueur unique tous les thèmes qui lui sont chers. Les scènes varient continuellement, au fil des saisons, au sein d'une nature idéalisée du XVIIIe siècle. Les perturbations révolutionnaires de la fin de ce siècle sont visibles chez le Serment des Horaces de David, mais restent invisibles chez Carmontel.